Bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez l'émission Milky Waves sur Vibration ce dimanche soir, premier jour de juin. Eh oui. Alors ce soir, l'émission est dirigée par DJ Fire. Et il nous a fait une très très chouette sélection. Et le premier morceau de la sélection de DJ Fire, c'est Sean Finn et Ricardo Munoz pour un titre hyper connu puisque c'était Guru Josh Project qu'il avait fait en 1990. Il s'agit de Infinity 2014. Il a été fait au mois de mars. Et le saxo est remplacé par le violon, vous allez entendre ça. This is Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, DJ Fire. Voilà, c'était le fameux Infinity 2014 de Sean Finn et Ricardo Munoz. Et maintenant, on passe à Elements of Life avec un titre très poétique. So as I live, so am I deep. Voilà, j'y arriverai. Deep. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Voilà, on vient d'écouter So As I Live, So Am I Deep, The Elements of Life. En ce beau dimanche soir, vous écoutez toujours Milky Waves avec le Raph au micro et DJ Fire au platine. À suivre, le groupe anglais Art of Trance, connu depuis 1993 avec des sons très nature Et le titre du jour, c'est Ricochet. Milky Waves. C'était Art of Trance avec Ricochet. Et maintenant, on passe à l'artiste qu'on a eu le plaisir d'écouter dans le set de Nico Parisi de la semaine passée. C'était Moshik, l'incontournable, qu'on entend régulièrement sur Milky Waves. Et cette fois-ci, il nous vient avec le titre Stand Still. On écoute ça. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Thank you. Nous venons d'entendre Moshik avec Stand Still. Et maintenant, on va se faire un morceau dans le plus pur esprit techno-trance, un morceau qui semble venir de 1990, mais il est bien de 2014. Il s'agit de Let's Go Dancing, Solomon Remix, et l'artiste c'est Tiga vs Odion. C'est parti! Let's go dancing, I wanna go dancing with you all night. c'était Let's Go Dancing de Tiga et Odeon. Et maintenant, on passe à Fleetwood Mac avec Big Love. Ce n'est pas le morceau original de 1987, bien sûr. C'est un remix de Nick Fancioli. With you. C'était Fleetwood Mac remixé par Nick Fanciulli avec le hit Big Love. Toujours sur Vibration, vous écoutez Milky Waves, l'émission de musique électronique avec le Raf au micro et DJ Fire au platine ce soir. Et on continue avec Planetary Assault Systems avec le titre Booster. Allez, ça booste, on y va. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. We'll be right back. c'était Planetary Assault Systems avec Booster. Je fais une petite parenthèse en Milky Ways pour saluer Stéphane Larson qui est le responsable d'une très très chouette chorale qui s'appelle Zinoker et qui fait un concert le samedi 7 juin 20h. Voilà, je lui avais promis de le dire. Pour plus d'infos, vous allez sur Zinoker, sur internet, comme d'habitude. Alors à suivre les Roumains Dani et Robert de NTFO, associés à Carmon pour le titre Composite. On écoute ça. C'était les Roumains de NTFO associés à Carmon pour Composite. Et maintenant le dernier morceau de la soirée, déjà sur Milky Waves. Il s'agit de Ferdinand Daisic et Marvin Hay qui ont repris le fameux morceau des choristes Voix sous ton chemin. Ils en ont fait un remix assez étonnant qui s'appelle Cœur de la nuit. Un Wankelmuth remix. C'était Cœur de la nuit de Ferdinand Daisic et Marvin Hay, un étonnant remix Wankelmuth. L'émission Milky Waves est terminée, il est l'heure de nous quitter. Je souhaite une bonne à tous les étudiants et sinon un bon mois de juin pour les autres. Bye bye.